scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarret, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1967, quatrième émission. Jour après jour, événement après événement, se déroule l'année 1967. Mais si l'actualité peut être et doit être traitée par le journal parlé, relatée, expliquée, commentée par les journaux d'information, elle peut, elle doit, se prolonger également en de longs moments d'approfondissement. Cette année-là, France Culture a proposé une carte blanche à un metteur en scène de cinéma. L'émission « Comme il vous plaira » sera diffusée en direct, un dimanche, le dimanche 2 avril 1967. Voici, en une heure, quelques passages de ce riche programme. Programme France Culture. Vous attendez certainement avec impatience cette formule magique « Comme il vous plaira » François Truffaut. C'est ce que je vais m'empresser de dire, avec toutefois quelques minutes de retard. Alors, à vous donc le Studio 110 et Jacques Florent. À vous, François Truffaut. François Truffaut, lorsque France Culture vous a demandé de composer les programmes de cette journée de dimanche, vous avez choisi un sujet extrêmement grave et difficile à traiter. Je dois dire que quand vous me l'avez proposé, j'ai d'abord été un peu surpris et puis j'ai été convaincu parce que j'ai vu que ce n'était pas un sujet que vous choisissiez comme ça un peu au hasard, parce que vous êtes allé dans votre bibliothèque, vous avez apporté des livres, que vous aviez déjà un dossier, vous aviez coupé des extraits de journaux. Et ce sujet, c'est l'enfance malheureuse. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce sujet pour toute cette journée ? Eh bien, effectivement, l'enfance malheureuse est un sujet qui me passionne, dont je ne suis absolument pas un spécialiste, et je dois dire, je connais très mal la question, et je l'ai choisi, comme je pense les auditeurs qui écoutent aujourd'hui, pour en savoir davantage. Pourquoi est-ce que j'avais découpé quelquefois des articles dans les journaux ? Eh bien, c'est parce que les articles concernant les enfants malheureux sont des faits divers, sont des relations brutales, très crues, et on a toujours, je ne sais pas si tout le monde partage ce sentiment, mais j'ai toujours envie d'en savoir plus. On a envie de savoir ce qui s'est passé avant le drame et ce qui s'est passé surtout après. Et puis, on a envie de savoir comment est-ce que des solutions peuvent se dégager de cela. Alors, à l'intérieur d'une seule émission, ce serait trop mince, puisque le sujet est tellement vaste, et j'ai pensé que puisqu'on avait la chance de pouvoir traiter un thème toute la journée, eh bien, on pouvait espérer en une journée, non pas trouver des solutions, mais quand même faire le tour de toute la question. Alors évidemment, il y a les enfants handicapés que nous avons laissés de côté, les enfants délinquants dont nous parlerons très peu, et pour nous consacrer essentiellement à l'enfance maltraitée, puisque déjà le sujet lui-même est assez vaste. Oui, quand vous parlez d'enfance maltraitée, vous parlez vraiment d'enfants, c'est-à-dire d'enfants qui ont quel âge ? Les enfants qui ne peuvent vraiment pas se défendre. Les enfants, moi je pense que ce sont les mineurs au-dessous de 12 ou 13 ans, c'est-à-dire je crois qu'à partir de 13 ans, un enfant qui n'est pas heureux, je ne dirais pas qu'il est tellement protégé par les lois, mais il a encore la ressource de fuir, il a la ressource de se sauver de l'endroit où il est maltraité. Tandis qu'au-dessous de 12 ans, je crois qu'on ne met pas en question ce qui se passe autour de soi, on est simplement une victime complètement, une victime sans défense, comme pouvaient l'être des gens dans les camps de concentration. Et je crois que les camps de concentration étaient certainement la chose la plus lamentable de notre siècle. Et elle trouve un peu, d'une certaine façon, sa continuation dans l'idée que en Europe et dans le monde, des enfants sont maltraités. Alors, nous allons écouter, au cours de cette journée, un certain nombre de documents que nous avons réunis sur votre demande, qui concernent donc des enfants qui sont malheureux dans leur famille, qui ont été, qui souffrent en fait, n'est-ce pas? Et nous allons aborder ce sujet non pas comme si nous faisons, comme si nous faisions une enquête d'ordre sociologique, c'est-à-dire un peu scientifiquement, mais par un côté sensible. Et ça, c'est vous qui l'avez désiré, c'est-à-dire que nous n'allons pas hésiter à aborder le sujet d'un point de vue dramatique. Mais écoutez, on ne peut pas faire autrement que de l'aborder d'un point de vue dramatique, parce que c'est une chose dramatique, c'est pas une question de statistiques. Les enfants martyrs, disons, employons l'expression des enfants martyrs, eh bien, cela s'exprime dans notre vie quotidienne par des faits divers dans les journaux. Ces faits divers sont extrêmement brutaux, sont extrêmement dramatiques. Alors je crois que tout ça relève du domaine du choc. On ne peut pas s'abriter derrière des statistiques. Il est bien évident que certainement beaucoup moins d'enfants meurent aujourd'hui en bas âge qu'autrefois, grâce au progrès de la médecine, de la science. Alors on aurait toutes sortes de motifs de se réjouir de ça. Mais ce qui est important, évidemment, c'est le cas particulier, c'est l'exception. Et plus la société devient civilisée, plus l'exception, quand elle existe, est scandaleuse. Et on sait que il n'y a pas que ce que disent les journaux, il y a tous les cas qu'on ne connaît pas, donc c'est une chose qui est extrêmement brûlante, qui est cruelle, et on ne peut la remuer, on ne peut s'en expliquer qu'en évoquant des cas particuliers. Et je crois que le risque de se faire accuser de sensiblerie, eh bien, et ce risque, il faut le courir, parce qu'il est moins, important que n'est important l'idée de soulever tout ça, je crois. Bien. Alors, avant de commencer à présenter ces cas douloureux, je voudrais encore dire quelque chose. C'est que, puisque le but, si vous voulez, de cette journée, c'est de faire réfléchir et de faire connaître ces cas, nous avons pensé qu'il serait peut-être bien que, au cours de la journée, des auditeurs de France Culture puissent nous téléphoner, puissent vous poser des questions à vous, François Truffaut, si vous désirez y répondre, et puissent poser des questions à des spécialistes qui seront là tout à l'heure, à partir de 17h, et qui pourront donc répondre aux questions que poseront les auditeurs. Les auditeurs pourront poser deux sortes de questions, soit signaler des cas d'enfants malheureux s'ils en connaissent, soit s'ils ont envie de poser une question pour, à la lumière de ce qu'ils auront entendu, pour éclairer un peu leurs idées, eh bien, ils poseront des questions soit à un juriste, soit à une assistante sociale, soit à un docteur. Alors, ces appels se feront à partir de 16h, et nous y répondrons à partir de 17h, et les appels se feront uniquement sur une seule ligne que je vous indique maintenant, c'est Bagatelle 2040. Vous appelez uniquement sur Bagatelle 2040. Alors, maintenant que ces indications sont données, nous allons commencer par un reportage de Martine de Barcy, qui s'est rendu 24 rue Ampère, où en décembre 1965, il y a à peine un peu plus d'un an, une concierge, Madame Flammarens, a tué sa petite fille Régine, 3 ans, à coups de bouteille. Non, j'ai reçu des lettres anonymes, des coups de téléphone, j'ai reçu tout, j'ai été mise plus bas à terre. Ça, je ne veux plus rien dire. Nous sommes ici au 24 de la rue Ampère, au-dessus de la loge de la concierge qui a tué sa petite fille Régine à coups de bouteille. Madame Martial, vous habitez juste au-dessus de la loge de la concierge. Je ne sais pas si on le savait, elle serait déjà condamnée, puisque l'enquête suit son cours. L'enfant est mort. Mais vous n'aviez rien vu. Elle a dit qu'elle l'avait brutalisée, mais moi, j'ai jamais rien vu. Vous n'avez jamais rien vu. Tout ce que j'ai su, j'ai dit au juge d'instruction, c'est consigné, il le dira. Oui, mais enfin, vous ne vous êtes jamais rendu compte que cette petite fille était pâle, par exemple, qu'elle était maltraitée? Je l'ai dit, ça s'est paru dans tous les journaux. Elle était pâle, mais elle était soi-disant malade. Et vous l'avez cru quand la concierge vous le disait? Au début, oui. Et ensuite? La loge est en dessous de mon atelier, quand je peins toute la journée, je l'entends. Il y avait 3 gosses, on entendait pleurer laquelle? Non, tout, j'ai tout dit, je ne veux... Maintenant, puis c'est loin, cette histoire-là, c'est terrible, mais en effet, c'est très loin. Oui, mais vous ne trouvez pas ça encore beaucoup plus terrible qu'une femme ait tué son enfant? Qu'elle ait tué son enfant, moi, je serais allée la tuer si elle était restée là. Je serais allée la démolir, cette bonne femme. Oui, mais vous ne croyez pas que, par exemple, en la dénonçant auparavant, mais vous auriez pu faire quelque tout chose? Fait, tout le monde a regardé par les fenêtres, tout le monde l'a surveillée. L'assistante sociale venait, madame... Elle voyait bien si l'enfant avait des coups, avait des meurtrissures, puisqu'elle devait la déshabiller si elle faisait son métier. Mais comment n'a-t-on pas séparé cet enfant de sa mère à ce moment-là? On l'a séparée deux ou trois fois, elle est allée en nourrice d'assistante, elle est allée à l'hôpital quand elle s'est cassée une jambe. Ben, si l'enfant avait déjà eu des ecchymoses à ce moment-là, on l'aurait vu aussi dans les hôpitaux. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça, elle l'aimait pas, cette gosse. Certainement, elle l'a frappée, elle l'a dit. Et elle vous le disait, à vous? Ah non, moi je ne lui parlais pas. Non. Elle l'a dit au personnel. Elle a dit qu'elle n'aimait pas son enfant. Moi, je lui ai fait dire mon transe deux ou trois fois, mais... Qu'est-ce que vous lui disiez? Je lui demandais si, elle, si c'était vrai, si elle n'aimait pas cet enfant. Un jour, j'ai eu le malheur de lui dire qu'elle était jolie comme un cœur. Elle s'est mise en colère en me disant qu'elle n'était pas mieux que les autres. Et vous n'avez jamais pensé que vous pourriez porter plainte, vous, personnellement, Madame Martial? Si, j'y ai pensé, je l'ai menacée. Je lui ai dit, si je m'aperçois, j'en mets quelque chose, je porterai plainte. Et ma plainte sera signée, elle ne sera pas anonyme. Mais vous ne l'avez pas fait? Je ne l'ai pas fait, non, parce que je n'ai rien vu. Mais vous vous rendez bien compte que cet enfant était maltraité quand même? Mais non, je ne l'ai jamais vu battre cet enfant devant moi. Un jour, elle avait la figure noire, elle a, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a? J'ai pensé qu'elle avait reçu une claque un peu forte, elle m'a dit pas du tout, elle vient de tomber. Elle est où elle est tombée. On a une gosse qui avait une jambe cassée, ou deux jambes cassées, je sais pas, elle avait toujours ou un bras, une jambe. Elle n'était pas très forte, elle tenait pas bien debout. Quand une femme vient vous dire, mais ma petite est marquée, parce qu'elle est tombée, elle va scier sur ses petites jambes. C'est à peu près normal. Surtout que cet enfant était admirablement habillé, elle était bien nourrie, il y avait des goûters très confortables, il y avait tout. Vous ne pouviez pas le voir. Oui, mais vous dites cependant que vous avez menacé cette femme, Madame Martial. Parce qu'il y a des choses qui vous disent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et qu'on vous ment. Vous n'aviez pas de preuves, c'est cela? Je n'ai pas de preuves. C'est ça que vous voulez dire, oui. Je ne l'ai pas vu. Vous ne croyez pas que si l'un ou l'autre... Quand elle montait le courrier avec la petite, elle avait trois filles. Elle montait avec l'une ou avec l'autre. Elle emmenait le courrier. Bon, quelquefois, elle avait la petite Régine, je crois. Comme les autres, j'ai toujours des bonbons ou des bouchées de chocolat. Je lui en donnais une. Elle la prenait, elle disait merci. Elle avait peut-être l'air un peu plus craintive que les autres parce qu'elle n'était pas habituée à être gâtée de cette façon-là puisqu'elle montait moins. Mais il n'y avait pas de différence. Les sœurs avaient un tablier rose. Elle avait un tablier rose. Si les sœurs avaient un petit pantalon, elle avait le petit pantalon. Oui, mais il ne s'agit pas de vêtements ici. Vous n'avez pas quand même une femme qui n'aime pas sa gosse ne lui donne pas comme aux autres. Elle n'avait pas d'argent, cette femme-là. Vous n'avez pas l'impression, Madame Martial, que si l'un ou l'autre locataire avait porté plainte, la petite Régine serait encore vivante? Non, je ne crois pas, parce qu'on ne nous aurait pas écoutés. À présent, c'est la gouvernante de Madame Martial qui parle. Vous êtes la gouvernante de Madame Martial, oh. Madame. Et vous connaissez, je pense, bien la concierge qui a oui, tué bien, cette enfin, petite fille. Oui, enfin, étant ici, quoi, je la voyais en porter le courrier ou en partant. Ou... C'est tout. Vous étiez rendu compte de quelque chose? Que vous voulez qu'on se rende compte? C'est difficile de se rendre compte. C'est pas possible de se rendre compte. Elle était peut-être pas comme les autres, bien sûr, mais de toute façon, comme elle avait toujours quelque chose, elle était toujours... Ou un jour, elle n'est pas sortie parce qu'elle s'était cassée la jambe en jouant, elle est tombée. Une autre fois, je sais pourquoi, je ne me rappelle même plus. Un bras. Ah oui, elle a eu son bras aussi. Elle vous ne trouviez pas ça anormal? Normal, non, parce que vous voulez... Quand, une enfant de deux ans qui a tout le temps une jambe ou un bras cassé. Mais quand une mère vous répond, vous lui dites, tiens, qu'est-ce qu'elle a, la petite? Elle vous répond, elle est tombée de sa chaise en jouant, ou alors à d'autres, elle a dit, elle était tombée dans les escaliers, dans la cour. Moi, j'ai pas... Elle a été à l'hôpital, de toute façon, alors s'il y avait... Vous n'avez pas trouvé ça suspect, non? L'assistante venait régulièrement. Oui, en plus... Oui, en plus, elle était aidée, puisqu'elle était seule, elle avait perdu son mari, elle était aidée. L'assistante venait régulièrement. Alors, qu'est-ce que vous voulez que nous, on trouve que ce soit bizarre? C'est pas possible. De toute façon, moi, par exemple, j'aurai un enfant, je dirai à quelqu'un, il est tombé, il s'est fait ça, on va me croire. Enfin, on va pas me croire, mais enfin... Vous la croyez, vous? La croire, qu'est-ce que vous voulez aller prouver que c'était pas vrai? On l'a pas vu tomber. Vous en avez passé des tensions sur l'enchaînement, oui. Essayez de regarder. Vous avez essayé de regarder quand même ce qui se passait. Bien sûr, puisque souvent elle nous disait, je peux pas la voir, elle est pas propre, elle est ceci, elle est cela. Bon, moi une fois je lui ai dit, écoutez, c'est qu'un bébé, elle est toute petite, elle a été en nourrice. Bon, la nourrice l'a pas habituée. Si vous l'habituez, vous êtes peut-être pas assez patiente avec elle. Et des larmes étaient là, enfin, et tout ça. Un jour, elle m'a dit, de toute façon, elle est sale, elle a mauvais caractère, elle est comme moi. Je dis, comment voulez-vous? Elle est trop petite pour savoir si elle a mauvais caractère. Oui, mais vous la surveillez, donc vous vous doutiez de quelque chose. On se doutait bien qu'elle l'aimait pas, puisqu'elle ne s'en cachait pas, elle nous l'a dit. Elle a dit ça, je peux pas la voir, il n'y a rien à faire, je m'attacherai jamais à cette petite. Bon, je lui dis, vous allez vous habituer après, c'est tout nouveau, il faut prendre patience, c'est tout. Bon, quelquefois, quand on entendait pleurer, enfin, moi, je regardais par la fenêtre pour voir si c'était celle-ci. C'était pas celle-ci qui pleurait, c'était les deux autres. Oui. Et vous n'avez jamais pensé à voir l'assistante sociale à son sujet? Ah ben alors, un jour, elle m'a dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'abandonner? Alors je lui ai dit, écoutez, si vous parlez d'abandonner, moi je ne vous donnerai pas de détails, parce que moi j'en ai rien, je ne penserai pas à l'abandonner. Demandez à votre assistante sociale, elle vous conseillera quoi faire. C'est tout. Oui, mais vous n'avez pas pensé vous-même à voir l'assistante sociale? Écoutez, je pense... Non, de toute façon, je pense qu'une assistante sociale, elle est placée pour faire son travail. Moi, je serai assistante sociale, j'irai voir dans une maison. Je me douterai qu'un gosse est comme ça, je ferai le nécessaire. Je sais que le nécessaire n'a pas été fait dans le cas précis. Oui, mais alors, mademoiselle, si une assistante sociale ne fait pas son travail, comment voulez-vous que nous, on puisse penser qu'elle n'est pas capable de le faire? Moi, quand je fais un travail, si par exemple je fais quelque chose, je le fais avec tout mon cœur, un enfant. Mais vous ne croyez pas que c'est à cause de cette démission collective que la petite Régine est morte? Vous n'avez pas l'impression d'avoir été lâche, non? Non, lâche, non. Parce que si j'avais, par exemple, si elle l'avait tapé devant moi, même encore, combien il y a de mamans qui tapent les enfants? Parce que oui, ils ont fait pipi dans la culotte. Ou moi-même, j'ai un petit neveu, quand il fait pipi dans sa culotte, on lui donne une fessée. Oui, mais on lui casse pas la jambe. Ah, attention, elle n'a pas dit que c'était elle qui avait cassé sa jambe, hein. Quand même, oui, vous avez l'air tout émue, mademoiselle. Oui, moi, ça me retourne. Oui. Ça... Bon, vous voulez que je leur dise. Bon, mais enfin, un jour, elle a dit qu'elle n'aimait pas la petite. La petite s'est accrochée à ses genoux en lui disant, moi, je t'aime. Voilà. Parce que la petite aimait quand même sa mère. Ah, elle l'aimait. Ben, elle se cramponnait après elle. D'ailleurs, quand elle la regardait avec des yeux en la suppliant. Voilà. Après Madame Martial et sa gouvernante, j'ai tenté d'interroger quelques autres voisins, dont un médecin. Oui, bien sûr, mais on était trop loin, on n'a pu se rendre compte de rien. Oui, mais Madame Martial m'a dit qu'elle était venue voir les locataires. Vous savez qu'elle leur avait demandé de signer une plainte collective. Nous sommes en tort, du coup. Non, nous ne devons rien dire, parce que cette histoire maintenant elle est vieille, que voulez-vous ça c'est... Oui, mais elle est vieille, hein? Mais il y a quand même une petite fille qui est morte, je veux dire, monsieur, quand même. Non. Vous ne croyez pas que la chose aurait pu être évitée? Si, il y avait des lois qui étaient faites. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez qu'au lieu d'accuser les lois, on ne pourrait pas accuser la lâcheté des gens? Vous avez vu les lois sur les animaux? Quelqu'un qui brutalise un animal a 3 mois de prison. Et une femme qui brutalise un enfant et qui la tue n'a rien. Alors que elle est acquittée, c'est ça qui est lamentable. Je trouve qu'on n'est pas assez sévère. Hein? Oui, mais elle n'est pas acquittée. Ça fait pas exemple. Mais elle est jugée ou pas? On n'en sait rien. On nous dit qu'elle est jugée, on nous dit qu'elle n'est pas jugée, on ne sait pas. Je m'excuse, mais je suis pressé comme tout. Mais on n'a rien d'autre à vous dire. Martine de Barcy est là dans le studio avec nous, François Truffaut. Est-ce que vous voulez lui demander quelques compléments d'information? Parce que j'ai l'impression que ce reportage n'était pas tellement facile à réaliser. Oui, certainement. Il était. Les gens n'ont pas voulu répondre facilement. Comment est-ce que ça s'est passé, Martine? Eh bien, par exemple, Madame Martial a été très compréhensive, et vous avez entendu tout à l'heure, elle a expliqué ce qu'elle avait ressenti avec quelques difficultés, bien entendu, parce qu'elle a dit d'abord, j'ai tout dit au juge d'instruction. Mais il y avait une autre voisine, une commerçante, qui, paraît-il, avait porté plainte, c'est-à-dire qu'elle s'était adressée à l'assistante sociale. Et elle n'a rien voulu me dire malgré tout, parce qu'elle a eu l'impression d'avoir tout dit au juge d'instruction. Vous vous êtes fait renvoyer carrément? Ah oui, vraiment, alors là... Insulté, non? Oh, presque. Presque, vraiment. Le technicien et moi, nous sommes partis. Enfin, écoutez, redisons un peu comment exactement... De quoi il s'agit, oui. Eh bien, Madame Flammarens était la mère de 4 enfants, 4 filles. Son mari, elle était seule. Son mari avait été tué mystérieusement, à coup de couteau, dans la banlieue parisienne, quelques années auparavant. Elle avait deux filles aînées. Ensuite, elle avait eu 2 jumelles, dont la petite Régine. Et cette petite Régine avait été en nourrice pendant 1 an. Ensuite, elle l'avait reprise. Peut-être était-ce de ne pas l'avoir eue toute petite. Toujours est-il qu'elle ne s'était jamais attachée à cette petite. Elle lui en avait toujours un peu voulu. Donc c'est une femme seule, elle tenait cette loge de concierge, elle avait repris cette petite fille. Elle n'avait jamais aimé, il paraît qu'elle la martyrisait depuis 2 ans. Alors où en est l'affaire actuellement? On ne sait pas exactement. La petite fille a été tuée il y a un peu plus d'un an, en décembre 1965. J'ai téléphoné à un des membres les plus éminents de la presse judiciaire ce matin. Il semble que ce ne soit pas encore pour cette session que le procès sera jugé en cour d'assises. Bien, alors écoutez, nous allons... Oui, et puis on peut penser qu'elle était, enfin je crois qu'elle était une bonne mère avec les trois autres enfants. Donc oui. C'est ça, donc il n'y a pas de solution. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on souhaite, par exemple, une peine sévère pour cette femme, ça ne change rien. Enfin, la question n'est pas là, finalement, la question n'est pas là. Mais où est la question? La question est jamais, eh bien oui, la question... Je crois que la question est tout de même... Elle est sur les voisins, elle voilà, est sur les gens normaux autour de cette affaire. Parce que je crois qu'on peut dire quelqu'un qui frappe un enfant et quelqu'un qui n'est pas normal ou qui n'est pas dans son état normal quand il le fait. Quand ça dure deux ans, il s'agit d'un état anormal perpétuel, il me semble. C'est ça. Mais les gens qui écoutent sont censément des gens normaux. Et voilà, je Martine, est-ce que vous avez eu l'impression au cours de ce reportage que dans l'immeuble, les gens étaient tous au courant? Je pense, oui. Alors voilà, je crois peut-être où est le vrai vraiment, problème. Vraiment, j'ai eu l'impression que les gens étaient tous au courant. Ils étaient extrêmement gênés, en plus. Oui, on n'est pas dans un pavillon dans le Nord, un non, pavillon un à l'écart de la ville, luxueux, on est dans un immeuble. Plus. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Bon, alors François Truffaut, comment pensez-vous pouvoir poser ce problème de la dénonciation, si vous voulez? Moi, je crois que le problème est là. En fait, il est sur cette idée de, sur cette notion de dénonciation, qui est une notion, évidemment, extrêmement choquante pour les Français, parce que la France est probablement un pays où plus que dans d'autres pays on déteste la police et c'est pas seulement pour des raisons de principe. Et alors il y a une honte qui s'attache à des dénonciations déjà à l'école. On ne doit pas rapporter, on ne doit pas. Et je trouve que c'est vrai. Et je trouve qu'il est vrai que la dénonciation a quelque chose d'infamant, mais à mon avis, sauf en ce qui concerne les enfants martyrs, puisque là on doit protéger des cette sans défense. Et je crois que la loi emploie un terme qui n'est pas dénoncé, la loi en faveur de l'enfance, vous la connaissez, les nouvelles lois en faveur de l'enfance qui datent de 1958-59, on ne dit plus dénoncer mais signaler, parce qu'en fait il s'agit là de personnes qui sont en danger de mort, donc c'est un devoir de les signaler. Oui c'est ça, mais c'est la même chose, oui. Oui, ce que je veux dire François Truffaut, c'est que bien sûr vous accusez la lâcheté des voisins, oui c'est vrai, mais il y a autre chose peut-être, parce que dans le cas précis, l'assistance sociale aurait été tenue au courant, paraît-il. Alors, dans ce cas, vous pouvez accuser aussi l'impassibilité de certains services. Voilà, c'est même très grave, parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas d'assistante sociale, les gens se sentiraient responsables peut-être en premier. Mais étant donné que quelqu'un est payé pour s'alarmer du cas de cette petite fille, c'est un alibi formidable pour eux. Ils disent, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand l'assistante sociale elle-même n'y trouvait rien à redire? Alors là, c'est très grave, puisque je veux dire, c'est comme une circonstance aggravante contre l'assistante sociale, parce que sa défaillance est extrêmement pénible, enfin du fait même qu'elle sert d'alibi, que son existence à elle sert d'alibi aux voisins pour se taire. Petit, n'écoute pas les grands parler. Va-t'en jouer dans le jardin. Il y fait meilleur ce matin. Petit, n'écoute pas ta mère pleurer. Tant pis si elle a du chagrin. Va-t'en courir dans le jardin. Écoute le vent quand il va tomber. Il te dira où il va se coucher. Il te dira pourquoi il se met en colère. Il te dira pourquoi j'ai fait pleurer ta mère. Tant pis. Si tu ne comprends pas très bien, tu reverras le vent demain. Petit, n'écoute pas ton père partir, même si jamais il ne revient. Va-t'en courir dans le jardin. Écoute le vent quand il va tomber. Il te dira où il va se coucher. Il te dira pourquoi il se met en colère. Il te dira pourquoi fait pleurer ta mère. Tant pis si tu ne comprends pas très bien. Tu reverras le vent demain. Petit, n'écoute pas les grands gémir. Va-t'en courir dans le jardin. Il y fait meilleur ce matin. Il y fait si beau ce matin. L'émission se poursuit, alternant les reportages de Françoise Dumayet et le retour en studio. Sur un autre cas de maltraitance, une enfant mal aimée et rendue pour autant à sa mère, une voisine s'interroge et revient sur sa propre enfance. Moi, je trouve que c'est presque aller au-devant d'un malheur. Malheureusement, bien sûr, on ne peut pas enlever tous les enfants à leurs parents. Hein, parce que moi aussi, j'ai eu une enfance malheureuse. Et moi, j'ai eu mon père déchu de ses droits et après, il a bénéficié d'un non-lieu. Mais ça n'empêche que j'ai quand même été obligée de me sauver de la maison. Et j'ai encore une cicatrice, un coup à la tête que ma grand-mère m'avait donné. J'avais perdu ma mère à 5 ans. Ben non, vous savez, c'est des trucs qui nous marquent pour la vie, ça, madame. Ça, jamais. Et je peux aller n'importe où. Hein. Eh bien, je ne trouve pas le bonheur, c'est pas vrai. Il y a tout le temps quelque chose qui nous marque. Et ça, ces gosses-là, moi, je vous assure que j'y pense souvent, parce que je dis ça, ces gosses-là, ils seront marqués pour leur vie. Ça, ils y penseront tout le temps, parce que moi, je fais toujours un retour en arrière, hein, et je vous assure que non, je suis pas heureuse. Vous n'êtes pas heureuse, mais est-ce que vous avez le souci, justement, de gâter vos enfants ? Ah oui, madame. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça, mes enfants n'ont jamais rien manqué. Et puis, je sacrifie, d'ailleurs, je leur ai donné chacun un métier autant que possible. Et puis, enfin, je veux leur donner, je n'ai pas fait ma communion, j'ai voulu qu'ils la fassent. Je n'ai pas eu mon certificat. J'ai voulu qu'enfin, qu'ils aillent à l'école tout au moins jusque-là. Et après, bon, puisqu'ils n'avaient pas pour possibilité pour poursuivre dans des écoles plus hautes, enfin, j'estime qu'il y a les CET. Et pour mon aîné, j'ai payé Pigier. Et puis, mon fils, il est à Épluche, là, pour l'instant. Et puis, alors, celle-ci, elle est en CEG, en CES. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fera encore. Mais enfin, moi, j'estime que je veux leur donner ce que je n'ai pas eu. Mais vous voilà. Dites que vous n'avez pas trouvé le bonheur. Pourquoi ? Parce que je suis restée marquée par ça. Mon mari est très gentil et tout. Et puis, vous savez, dans ma famille, c'est toujours ton père ceci, ton père cela. Et même ma belle-mère ne me voit pas à cause de ça, à cause des fautes de mon père, vous comprenez ? Parce que j'ai perdu ma mère à 5 ans. Et ça a causé faute de mon père, et ça revient tout le temps, là, vous comprenez qu'on ne peut pas oublier. Parce que moi, j'avais 11 ans, j'ai vu les inspecteurs mettre les menottes à mon père, et d'ailleurs, j'ai le journal où il est dessus. Eh bien, je vous assure, non, ça vous marque pour la vie, ça, il n'y a rien à faire, on ne peut pas être heureux. On peut avoir tout, voyez, vous pouvez venir chez moi, je ne manque de rien, j'ai un mari qui travaille, il vient de prendre un garage en association. Mais ça, je vous assure que non, il y a quelque chose qui me reste, il peut m'emmener n'importe où, je n'ai jamais de plaisir comme les autres, il n'y a rien à faire, ça nous marque pour la vie, ça. Ça, on ne peut pas. D'autres voient peut-être ça autrement que moi, mais tout dépend de ce qu'on a passé. Oui. Et votre père, maintenant, est-ce que vous le revoyez ? Ah, je ne le vois pas. On a essayé de le revoir, et puis on lui a prêté de l'argent pour un accident de la route qu'il a eu avec une femme qui vivait avec lui. Elle a été tuée, et puis après, moi, j'attendais mon fils. Et puis, mon père, évidemment, mon mari s'est trouvé accidenté du travail. On lui avait avancé tout l'argent qu'on avait devant nous. Et quand j'étais malade, que j'ai réclamé, j'ai reçu des aides de menace. Oui. Alors, vous savez, ça vous dégoûte. Est-ce que ça vous manque beaucoup de ne pas avoir eu un père, justement, que vous aimiez, que vous respectiez ? Ah, écoutez, j'ai un père. Et sincèrement, hein, il habite pas loin, il est à Conflans. Et sincèrement, je vous assure qu'il n'a jamais pensé que sa fille l'aimait profondément. Parce que malgré tout, je ne le vois pas, mais je l'aimais. Et je l'aime toujours beaucoup, malgré tout. Parce que dans le fond, bien sûr, on a été malheureux, mais vous savez, il est resté tout seul quand même avec 3 enfants. L'aîné avait 9 ans, le plus jeune avait 3 ans, et moi j'avais 5 ans. Vous savez, un homme tout seul, oui. Il a peut-être eu ses malheurs que nous, on n'a pas su. Hein. Oui. Et ce qu'on a vu après, qu'est-ce que vous voulez, ça... C'est pas possible. Et les autres, ils ne les voient plus non plus. Mon frère aîné ne le voit pas. Puis là, j'en ai un qui vit avec lui, enfin qui vivait avec lui, j'ai su. Puis j'ai un demi-frère, puisqu'il vivait en ménage quand il a eu cette histoire-là. Jusqu'à quel âge vous avez été dans cette situation? Bah, j'étais dans cette situation jusqu'à ce que mon oncle meure. Mon oncle était un très brave homme. Je sais que je lui dois beaucoup de m'avoir sorti de l'assistance. C'est lui qui, parce qu'on y a été momentanément durant le procès de mon père. Et je sais que je lui dois beaucoup. Malheureusement, il est mort. S'il n'était pas mort, je ne serais certainement jamais partie parce qu'il avait fait jurer à ma tante de ne pas me laisser, de ne pas me rendre à mon père. Et elle m'a rendue. Elle vous a rendu à votre père. Elle avait un ami, et puis évidemment, lui quittait sa femme en laissant deux grands-enfants, notez qu'elle avait 16 et 17 ans, c'était pas pour s'embarrasser d'elle avec sa nièce, hein, ça se comprend tout seul, ça. Hein. Oui, et ça a recommencé avec votre père à ce moment-là. Après, je me suis retrouvée avec mon père, et puis ça a continué. Jusqu'à quel âge? Bah, jusqu'à ce qu'il me sauve de la maison, j'avais 17 ans. Jusqu'à 17 ans. Oui. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, je suis fichue con, je peux pas le dire là. Et vous avez travaillé? J'ai eu des tas d'ennuis, comme beaucoup de jeunes ont maintenant, quoi. Pareil, dans les jeunes délinquants, ben, moi j'y pense aussi à eux, parce que j'y dans le fond, à savoir ce qu'il y a chez eux. Oui. C'est les parents, ils sont toujours là, et ils protègent toujours leurs gosses, n'est-ce pas? C'est jamais vrai. Mais du moment qu'un gosse se sauve de sa maison, c'est qu'il y a quelque chose, hein, 9 fois sur 10. Oui. Et maintenant, vous estimez que vous en êtes sorti? Oh oui, j'estime que j'en suis sortie, mais je n'oublie pas. Je ne peux pas oublier. D'ailleurs, en ce moment, je suis en traitement parce que je fais tout le temps un retour sur le passé. Je n'arrive pas à oublier. Et quand je suis déprimée, c'est tout ça qui revient et je pleure des journées entières. C'est pour vous dire que ça frappe. Oui. Là, vous comprenez, quand on voit des gosses comme ça, ben, on repense quand même à sa vie, vous comprenez. Même sur les journaux, moi, je lis beaucoup les faits divers et dès que je vois un truc d'enfant, ben, automatiquement, j'ai toutes ces images qui me reviennent. Voyez-vous, pour ça, on ne peut pas être heureux quand on l'a eu, ça. Comprenez, celui qui est heureux d'abord, il ne comprend pas ça, il ne peut pas le comprendre. D'ailleurs, les gens heureux n'ont pas d'histoire, c'est vrai dans le fond. Oui, c'est vrai. Et puis ça, celui qui n'a jamais manqué de rien, qui n'a jamais souffert, ne réalise pas. C'est pas vrai. François Dumayet, revenons un instant à ce qui est arrivé à cette petite Dominique privée de nourriture par sa mère. Alors, où en est l'affaire? Eh bien, sa belle-mère était enceinte, donc d'après la loi, elle ne devait pas être punie. Et Dominique a été confiée, elle, à un centre de Versailles, et sa mère a été laissée en liberté. François Truffaut, qu'est-ce que vous pensez alors de ce que vous venez d'entendre? Ah ben, il y a les deux choses, il y a le... ce fait divers d'Hermont qui finalement n'est pas tragique parce que c'est que disons oui on est intervenu à temps là, c'est ça, c'est une chose interrompue. Il y a une intervention des voisins qui est sympathique, qui est une semi-intervention évidemment puisqu'il y a ces paniers de victuailles qu'on a fait descendre au bout d'une corde et on n'a pas été jusqu'au bout puisque évidemment on a quand même toléré cette situation qu'on a simplement pensé. Et je crois qu'un soir la mère a aperçu des miettes sur le balcon et qu'à partir de ce moment-là elle a fermé, puisque c'était une porte-fenêtre qui pouvait fermer à clé, elle a fermé la porte-fenêtre du balcon. Et on a trouvé une fenêtre de l'autre côté. Et puis on a trouvé une autre fenêtre. Et, oui. Alors il y a quelque chose évidemment de sympathique dans ce quartier qui tout d'un coup s'intéresse à ces. Oui, il y a une fraternité là. Oui, c'est ça. Enfin, c'est une chose qui aurait pu évidemment qui allait vers la tragédie, qui s'est arrêtée à temps. Et voilà. Mais c'est, je trouve, Françoise Dumayet a eu raison au cours de son enquête de s'intéresser, de laisser parler tout d'un coup cette dame qui en arrive à son cas particulier, qui est absolument passionnant, parce qu'alors là, c'est toute une existence, c'est tout à fait autre chose. Et il est évident, moi, je sais pas, en écoutant cette femme, je pense qu'elle est plus malheureuse maintenant qu'elle ne l'a été dans son enfance en réalité, hein, parce que c'est la projection, enfin, c'est la récréation de cette enfance qui est maintenant infiniment douloureuse, parce que j'ai l'air là d'aller dans le sens un peu contraire du propos de notre journée, mais il est évident que les enfants ont réellement la peau dure, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement, ils tiennent énormément, ils tolèrent énormément, ils sont d'une bonté, d'une résistance fantastique, d'une santé insoupçonnable pour nous, si bien quelquefois ces choses-là sont plus impressionnantes pour nous, pour les adultes, pour les gens qui les entendons, qui les connaissons, même que pour eux qui peuvent subir tellement. Alors c'est aussi parce que ce qui leur arrivera leur gâchera l'existence, comme gâcher l'existence de cette femme, qu'on doit aussi être inquiet de ça, de cette femme qui finalement a été battue, sa mère est morte quand elle avait 5 ans, elle a été battue par son père, par sa grand-mère, par sa tante, et même son mari, qui est un excellent mari, lui reproche d'avoir eu un père indigne. Alors c'est une existence entière qui n'est qu'un immense gâchis d'année en année, d'étape en étape. Thank you. Cette émission, Comme il vous plaira, dont François Truffaut a choisi le sujet, l'enfance malheureuse, cette émission signée Jacques Florent est donc diffusée en direct le dimanche 2 avril 1967. Elle dure près de 10 heures. Le réalisateur, Georges Godbert, a téléphoné à Fernand Reynaud, auteur et interprète d'un sketch alors célèbre, Bourreau d'enfants. Les bourreaux d'enfants existent-ils? Alors, cette idée-là m'a donné de faire le petit sketch. C'est dans le milieu ouvrier, chacun crie, ça hurle. Quoi? Qu'est-ce que tu vas te taire? La mère, tu vas te taire, la belle-mère, les voisins, bourreaux d'enfants. Vous voyez, moi je voyais très bien ça à 7h du soir au printemps, quand il a travaillé, le père. Mais il n'y a pas de drame du tout. Ah oui? Parce qu'on peut faire rire qu'avec des choses qui paraissent être des drames, mais ça n'est pas. Quand un enfant a trébuché dans un escalier, sa mère l'a ramené et l'a ramassé. Et puis alors les voisins ont dit, vous auriez pu aller le faire soigner. Oh, c'est rien, j'ai cette gosse, j'ai déjà eu l'habitude. Et puis le lendemain, ça s'est infecté. Alors les parents, ils ont été portés plainte. Les voisins ont été portés plainte, je veux dire. Puis deux jours après, dans les journaux, des bourreaux d'enfants ont mal soigné leur enfant. Sur trois colonnes, alors qu'il y a une petite chose bénigne. Et sur le problème de la dénonciation, est-ce que, alors là, vous pensez qu'effectivement, quand... Ça, je suis pas d'avis du tout. Si des gens savent qu'il y a un enfant qui est vraiment martyr, comme ça arrive très rarement, je suis persuadé qu'on va trouver le commissaire de police. Oui, c'est ça, ouais. Ça, je suis pas de son avis. Non, il y a véritablement quand même beaucoup plus de sens civique, enfin, dans le public français, quoi. Ah oui, il y en a en France. Enfin, en Europe, il n'y a plus d'enfants martyrs. Qu'est-ce que vous dites de cela, François Truffaut? En Europe, il n'y a plus d'enfants martyrs. Oui, c'est ça. Moi, je serais tenté d'être sévère pour Fernand Reynaud. Enfin, sévère, je n'ai pas à le juger. Mais enfin, je crois que si le mot français peut avoir un sens péjoratif, ben Fernand Reynaud est très français. C'est-à-dire qu'il amuse les gens en leur présentant un personnage qui est proche d'eux et à la fois tellement bête qu'il donne à l'impression à chacun d'être intelligent. Mais enfin, je crois qu'on peut laisser Fernand Reynaud à ses andouilles. Et je trouve que son sketch, son problème, rejoint justement cette chose qui nous préoccupe de la dénonciation et de l'information. Daniel Meyer, vous avez entendu vous aussi? Vous avez une réaction? Je rejoins tout à fait François Truffaut, à tel point que je m'en arrive à me poser la question, est-ce que François Truffaut n'a pas voulu faire la preuve par l'absurde, en pensant que tous les auditeurs, comme je l'espère, prendront le contre-pied de ce qui vient d'être dit par Fernand Reynaud? Stanislas Fumet? Il y a tout de même une petite leçon, n'est-ce pas? C'est que les voisins crient « bourreau d'enfants » à tue-tête, et que lorsqu'il y a vraiment bourreau d'enfants, ils ne disent rien. L'après-midi se poursuit. On donne brièvement les informations, démission du gouvernement Pompidou. Les législatives viennent d'avoir lieu, mais Georges Pompidou sera reconduit à Matignon dès le lendemain. Élection à venir du nouveau président de l'Assemblée nationale. Waldeck Rochet, secrétaire général du PC, regrette dans un discours l'absence d'un programme de gouvernement entre les forces de gauche. Pour cela, il faudra attendre encore quelques années. Naufrage du pétrolier géant, le Torrey Canyon, qui a déclenché une marée noire sur les côtes de Cornouailles. Nappes de pétrole qui, hélas, traverseront la Manche. Les gardes rouges qui reprennent du service en Chine. Les températures très basses en France pour la saison. Bref, il est temps de retrouver, comme il vous plaira, François Truffaut. France Culture, au micro Jacques Florent. Eh bien, François Truffaut, nous avons passé une après-midi ensemble déjà. C'est vous qui avez choisi les programmes de ce dimanche. J'en rappelle le thème, l'enfance malheureuse. Et ce soir, eh bien, nous continuons. Des auditeurs nous ont appelés. Je veux dire que le standard a été presque embouteillé. Et nous avons reçu de très nombreux appels d'auditeurs qui s'intéressent au problème que vous avez soulevé aujourd'hui. Mais je voudrais que vous rappeliez un petit peu à nos auditeurs de cette soirée, qui peut-être n'étaient pas à l'écoute tout à l'heure, pourquoi vous avez choisi un sujet aussi grave, aussi douloureux, et pourquoi vous avez choisi de lui consacrer autant de temps. Bien, justement, la question se pose dans les termes inverses. C'est parce que nous disposions de beaucoup de temps que j'ai voulu choisir un thème vaste et qui me touche infiniment, bien que je ne sois absolument pas spécialiste de la question, mais c'est l'enfance malheureuse et même plus particulièrement l'enfance maltraitée, parce que c'est une question qui me touche. Je vois, comme tout le monde, je suis un lecteur de journaux et je vois des choses assez étonnantes dans les journaux, étonnantes, douloureuses et en même temps insatisfaisantes parce qu'on veut toujours en savoir plus. Il y a toujours la relation d'un fait divers brutal et cru, et on se demande toujours pourquoi, comment, qu'est-ce qui est arrivé avant, qu'est-ce qui est arrivé après, qu'est-ce qu'on pourrait faire surtout. Et je pense que dans le cadre d'une simple émission, eh bien, le sujet aurait été peut-être trop vaste pour le traiter. Et dans le cadre d'une journée entière, on peut non pas en venir à bout, bien sûr, on ne peut non pas exposer et trouver des solutions, mais on peut en tout cas en faire le tour en le prenant sous différents angles un peu, comme nous l'avons fait depuis 2 heures cet après-midi. Et jusqu'ici, je suis content. Enfin, le résultat répond à mon attente, puisque nous avons entendu beaucoup de choses. Oui, je crois qu'il se crée un lien entre les auditeurs et les spécialistes, qui sont d'ailleurs dans un studio voisin du nôtre, et qu'un dialogue s'établit en faveur de l'enfance malheureuse. Quand nous disons l'enfance malheureuse, nous précisons bien qu'il ne s'agit pas de l'enfance délinquante et qu'il ne s'agit pas non plus de l'enfance inadaptée. Il s'agit en fait des enfants qui ont moins de 13 ans, qui ne peuvent pas se défendre tout seuls et qui sont souvent malheureux, soit moralement, soit physiquement au sein de leur famille. C'est ça, les enfants mal aimés, maltraités, et selon la définition de la loi, les enfants en danger moral ou physique. Alors il y a eu tout à l'heure une dame qui a téléphoné pour dire qu'il ne fallait pas accabler les bourreaux d'enfants, mais enfin les mauvais parents, parce que leur drame est très grand. Et je suis absolument d'accord avec cette dame. Nous ne voulons absolument pas faire le procès des parents, même des parents indignes, même des parents qui frappent. La question, c'est simplement de s'occuper des enfants, de se demander ce qu'on peut faire pour eux. Et aussi, bien qu'il ne soit pas question de faire le procès de qui que ce soit, c'est un peu la question de l'information qui nous intéresse particulièrement, de savoir, parce que nous apercevons bien que chaque fois qu'il y a un drame lié à l'enfance martyre, eh bien, il y a toutes sortes de gens qui étaient au courant, quelquefois même des gens qui se sont occupés, quelquefois des assistantes sociales qui ont visité l'enfant, quelquefois les voisins qui étaient au courant, quelquefois l'enfant a fait des séjours à l'hôpital, et quand même l'irréparable est arrivé. Alors nous posons beaucoup de questions autour de cette notion de dénonciation qui est évidemment très mal considérée en France, où la police est très mal vue, et je crois pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas seulement des raisons de principe. Alors évidemment, la dénonciation a quelque chose d'infamant, a quelque chose de désagréable, et je crois que les pouvoirs publics lui substituent une autre notion qui est celle de... De signaler, on remplace le mot dénoncer par le mot signaler. C'est ça, oui, mais enfin c'est une substitution de mots, et alors je crois que le débat, enfin celui qui m'intéresse le plus, porte autour de la question comment convaincre l'opinion publique de signaler, quand elle a connaissance de cas douloureux, comment faudrait-il sévir, justement. Je crois que chaque fois qu'il se passe un drame vraiment cruel, vraiment brutal, eh bien, la rumeur populaire demande la mort pour les parents. Enfin, en général, c'est ce qui arrive. C'est ce que tout le monde voudrait, que le châtiment soit exemplaire. Et on pense aussi communément qu'il y a une idée d'exemplarité de la peine qui joue. Or, je ne le crois pas, parce que de même que la dame qui nous téléphonait tout à l'heure pour nous montrer à quel point était profond le drame des parents bourreaux, eh bien, je crois effectivement que quelqu'un qui frappe son enfant est quelqu'un de très malheureux, et que de risquer la mort ne change rien pour lui. Alors, si nous devons nous en prendre à quelqu'un dans cette émission, eh bien, nous ne pouvons nous en prendre qu'aux gens normaux. Et les gens normaux, c'est-à-dire ceux qui sont dans leur état normaux, au moment où les faits se produisent, avant et après, eh bien, sont évidemment les gens qui, par leur fonction dans la vie, sont chargés de s'occuper de ses enfants, puisque vous savez qu'une loi prévoit qu'un enfant doit être protégé jusqu'à 6 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge où il va à l'école visiter. Et ce sont ces gens-là, et ce sont évidemment les voisins, et c'est l'entourage. Alors, je souhaite que dans le restant de cette soirée, c'est autour de cela que tourne le débat. Bien, eh bien, vous avez été entendu certainement, puisque de nombre de nos auditeurs qui nous ont téléphoné partagent votre opinion. Il y en a eu un tout de même qui n'était pas d'accord, et vous avez été accusé, comme une certaine presse, de donner, en donnant en spectacle, ou tout au moins en faisant entendre des enfants malheureux, de satisfaire à une sorte de besoin, non pas pour vous, bien entendu, mais de satisfaire certains besoins malsains qu'a le public quand il lit des faits divers. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Oui, mais vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais c'est pour ce... Je tiens à redire cela pour ceux qui ne vous auraient pas entendu et qui nous écouteraient seulement maintenant. Oui, cela, je ne peux pas le croire, parce que Les journaux relatent des choses épouvantables, mais des choses épouvantables qui sont vraies, qui ne sont pas inventées. C'est-à-dire que quand on dit qu'un enfant a succombé à la suite de coups, eh bien, il a succombé à la suite de coups. Alors que le journal consacre 8 lignes, si c'est un journal qui s'intéresse surtout à la politique et aux informations générales, ou bien qu'il consacre une page entière, si c'est un journal à sensation, le fait est le même. Et je crois que si je pouvais avoir dans les pouvoirs publics toute la confiance que je souhaiterais mettre en eux, je me dirais effectivement, on pourrait peut-être freiner ou limiter la publicité sur ces cas d'enfants martyrs. Mais je n'ai pas cette confiance dans les pouvoirs publics. Et je crois d'autre part que nous sommes, avec les enfants martyrs, dans un domaine de choc, dans un domaine de scandale, et c'est normal que ça s'exprime par le scandale. C'est un domaine qui s'exprime par le fait divers. Je crois que si des ouvriers travaillent dans de mauvaises conditions et sont vraiment bafoués, ils ont la possibilité de faire des grèves, ils ont les possibilités de recourir à leur syndicat. Il n'y a pas de syndicat d'enfants martyrs. Alors il y a un certain nombre d'organisations qui existent, qui sont assez bien faites. Lorsque ce sont des organisations liées à l'État, nous avons vu que les lois étaient assez bien faites, mais que ce qui manquait cruellement, c'était les crédits. Et il y a un certain nombre d'organisations privées que je crois très intéressantes. Et c'est évidemment de la fusion des deux, enfin c'est de la collaboration des deux que peut sortir une amélioration. Enfin, un des derniers aspects sur lequel je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs, c'est que nous n'avons pas l'intention, au cours de cette journée, comme nous ne l'avons pas fait cet après-midi, nous ne le ferons pas ce soir, d'établir une étude scientifique, une étude sociologique de la question. Il ne s'agit pas de cela du tout. Nous avons décidé, enfin, vous avez décidé, François Truffaut, d'aborder le sujet par son aspect dramatique, par son aspect sentimental. Alors, voulez-vous dire pourquoi ? Oh bien, vous savez, parce que je crois que c'est la seule façon de parler de ces choses-là. C'est-à-dire, je suis certain que si on se réfugiait derrière les statistiques, eh bien, on n'aurait plus qu'à rejoindre la béatitude de Fernand Reynaud, parce que il est bien évident qu'autrefois il y avait une très forte mortalité infantile. Depuis, eh bien, on a découvert des tas de médicaments. La tuberculose chez les enfants existe beaucoup moins, ou bien est soignée à temps. Je suis certain que la mortalité recule énormément maintenant. Seulement, on a aussi fait une politique d'encouragement à la natalité avec les allocations familiales. Enfin, on souhaite que la France soit un pays de 100 millions d'habitants. J'ai entendu parler de ça. Eh bien, et nous savons tous que ces 100 millions d'habitants, ça représentera beaucoup d'enfants et que les écoles seront bondées, que les classes, qu'il n'y a pas assez de classes, qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux. On sait très bien tout ça. Et donc, le problème de l'enfant martyr ne peut pas être une chose démodée, parce que c'est une chose dont je crois, même si on me disait le contraire à les statistiques, eh bien j'aurais quand même tendance à croire que c'est une chose qui ne peut pas aller tellement en régression dans les années à venir. Parce qu'il y a énormément d'enfants et il y a quand même toutes ces crises que nous connaissons, du logement, de la scolarité. Et c'est pourquoi je crois que ça reste un problème très actuel. Depuis 14h, France Culture diffuse ce dimanche 2 avril 1967 l'émission « Comme il vous plaira ». Près de 10 heures de direct et de reportage. Voici la fin de cette émission spéciale dont François Truffaut est à l'origine. Françoise Dumayet, au cours de cette journée, vous avez rencontré beaucoup d'enfants. Vous avez rencontré des enfants pour lesquels le paradis n'existe pas, pour lesquels il n'y a pas d'île rose. Non, il n'y a pas d'île rose, ni dedans, ni dehors. J'ai rencontré un enfant, notamment dans un institut qui dépend de l'éducation surveillée, qui avait été placé là sur ordonnance du juge. Et cet enfant savait déjà, avec lucidité, une lucidité totale, qu'il ne pourrait pas retourner chez ses parents. Tu t'appelles comment ? Carépien. Ah, quel âge as-tu ? 14 ans cette année. Mais t'as l'air décidé, dis donc. Tu es là depuis combien de temps ? 4 ans et 3 mois. Alors tu vas passer ton certificat ? Ah ouais, bientôt. Mais... Oui. Ouais. Et tu es content d'être ici ? Ah oh ouais, bien. Et pourquoi t'es venu ici ? Oh, parce que chez moi, j'ai même pas allé à l'école quand j'étais petit. Alors j'y allais pas pendant 1 an, 2 ans. Puis au bout d'un certain temps, on m'a été voir le juge. Il m'a dit, si tu continues à faire comme ça, tu iras dans un internat. Alors après, j'y étais pendant plus d'un an. Après, j'ai continué à faire ce que je faisais avant. Après, on m'a placé ici. Voilà, mais t'étais tout petit comme t'en es pas à l'école. 10 ans ? Mais alors, et ta mère, elle s'occupait pas de... Ma mère était morte depuis longtemps. Elle est morte depuis longtemps, ouais, deux jours de ma naissance. Tu étais avec ton père? Ouais, puis ma grand-mère. Et ta grand-mère? Et t'as des frères et sœurs? Non, je suis enfant unique. T'es tout seul? Oui, mais ta grand-mère, elle n'arrivait pas à bout de toi? Oh non. Non? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais après, ça s'est passé. Ça s'est passé? Et tu t'en allais comme ça tout le temps? Oh ouais, comme ça. Mais on savait pas que t'allais pas à l'école chez toi? Ah bah si, on savait, ça a roulé un certain temps. Oui? Et alors? Bah à force, le commissariat s'en est aperçu que j'allais pas à l'école avec des plaintes des maîtresses. Et puis, on m'a mis chez le juge. Oui. Et ton père, il s'occupait beaucoup de toi? En ce moment, il avait du travail. Il avait trop de travail? Ah oui. Oui. Il est gentil, ton père, avec toi? Ouais, gentil. Oui. Tu le vois souvent? Et puis maintenant. Avant, je le voyais souvent. Maintenant, ça fait plus de 3 fois que j'ai plus de permission. T'as pas de permission? Mais non, c'est pour que je suis punie, mais mon père peut me prendre. Il peut plus te prendre, ton père? Pourquoi? Je sais pas dire, je sais pas. Tu sais pas? On lui a pas donné le droit? Ah si, on le donnera, mais je sais pas, il est pris. Il est occupé? Ah ouais, sûrement. Tu trouves ça normal, toi, qu'un papa puisse pas prendre son petit garçon? Ah non. Tu trouves pas ça normal? Il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Ah. Qu'est-ce que c'est qui va pas? Je voudrais bien le savoir. Oui. Et toi, tu penses que tu auras des enfants plus tard? Oh ouais, je pense. Oui. Qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Tu regarderas un petit peu plus ce qu'ils font? Ah ouais, je m'intéresserai plus qu'à moi. Oui. Tu lui en veux à ton père de ne pas s'occuper de toi davantage? Oh non. Tu lui en veux pas? Quand tu vois, tu boudes jamais? Non. Non? Jamais, t'es content? Jamais, je suis content. Oui. Et t'as des copains qui voient leur père ou leur mère davantage que toi? Ah oui. Ça te fait envie? Ouais, j'aimerais bien les voir. Qu'est-ce que c'est un enfant gâté pour toi? C'est un enfant heureux, c'est un enfant qui a toute sa famille. Et ici, tu t'es bien adapté? Oh oui. Oui? Et les moniteurs sont gentils? Ah oui. Oui? Si on fait pas de bêtises avec eux, c'est vrai. Il t'arrive encore d'en faire des bêtises? Oh non. C'est fini maintenant? On fait plus maintenant. Tu travailles bien? Ah ouais, la classe marche bien. Et alors, tu penses que tu vas rester ici encore? Oh non. Peut-être encore un an pour passer mon certificat d'études, puis pour partir. Et puis après, qu'est-ce que tu feras? Tu iras au centre d'apprentissage? Et tu retourneras pas chez ton père? Ça dépend, s'il y a des possibilités. C'est difficile la vie, hein, quand on est petit même. C'est vrai que c'est difficile? Oh, pour les grandes personnes, mais pour les petits, quand on est en internat, comme ça va tout seul. Oui, tu trouves que ça marche quand même? Oh ouais, ça marche quand même. François Truffaut, il nous reste à prendre congé des auditeurs. Êtes-vous triste? Oui, un petit peu. Oui, un petit peu. Enfin, content et triste. C'est votre première expérience radiophonique? Oui, c'est ça. Oui, c'est la première fois. Est-ce que ce que vous désiriez, ce que vous attendiez de la radio s'est réalisé? Oui, je crois, oui. Ce n'est pas une chose que je concrétisais très bien dans mon esprit, mais enfin, j'étais très désireux d'une suite d'heures, d'une suite, pendant laquelle on ne parlerait de rien d'autre que des enfants, et je crois que c'est ce qui s'est passé. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui monte des chemins, que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignent d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'ombre,